paré pour pas manger. La déparé pour moi tirer ou faire bouillon. À présent, reste à misère, à pas moins, et que rôté. La déparé pour pas manger. La déparé pour moi tirer ou faire bouillon. À présent, reste à misère, à pas moins, et que rôté. A dans misère, ma vie a fait que tirer. A casa maman, ma vie a fait que tirer. En bas coco là, ma vie a fait que tirer. A dans rivière là, ma vie a fait que tirer. A casa papa, ma vie a fait que tirer. A dans misère. Ma vie a fait que tirer. En bas coco là, ma vie a fait que tirer. À dans misère, ma vie a fait que tirer. À casa maman, ma vie a fait que tirer. À casa maman, ma vie a fait que tirer. En bas coco là.